L'islam. L'islam n'est pas un simple mot sans valeur dénué de signification réelle, qu'on prononce de la langue sans que cela n'exige la moindre concrétisation. L'islam a un sens bien réel. Ce mot ne sert d'ailleurs à rien s'il est utilisé sans viser son sens réel. C'est pour ça qu'il est nécessaire de définir l'islam pour être capable de définir le musulman. Car en arabe, le mot musulman signifie littéralement celui qui fait l'islam. Et donc ne sera musulman que uniquement que celui qui fait l'islam. Quant à celui qui ne fait pas l'islam, il ne pourrait être nommé et encore moins jugé musulman. Allah Ta'ala dit, dans la traduction du sens rapproché, dit aux gens du livre, « Venez autour d'une parole en commun entre vous et nous, que nous n'adorions rien d'autre qu'Allah et ne lui associons rien, et que nul d'entre nous ne prenne d'autre pour Seigneur en dehors d'Allah. S'ils se détournent de cette parole, alors dites, témoignez donc que nous sommes des musulmans. » Ce verset indique que celui qui se détourne de cette parole n'est pas musulman. Or cette parole est « n'adorer qu'Allah et ne rien lui associer » et ne pas prendre de seigneur qui détermine le licite et l'illicite en dehors d'Allah. L'imam muslim rapporte dans son sahih. D'après Ibn Omar, le prophète a dit « L'islam est fondé sur 5 choses. Adorer Allah et rejeter tout autre dieu que lui, accomplir la prière, donner la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne du ramadan. » Muslim rapporte aussi, d'après Malik, d'après son père qui dit, « J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, « Celui qui professe qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et rejette ce qui est adoré en dehors de lui, son sang et ses biens sont sacrés et son sort appartient à Allah. » Ibn Taymiyyah dit, « L'islam est la religion de tous les prophètes et messagers et des communautés qui les suivirent. C'est ainsi que nous en a informé Allah dans plus d'un passage de son livre. Il nous en informa pour Noh, Ibrahim et Israël, alayhi salam, qu'ils furent tous musulmans, et de même pour ceux qui suivirent Moussa et Isa, alayhi salam, et d'autres qu'eux encore. Et l'islam, ça veut dire se soumettre à Allah et à personne d'autre. Ça veut dire adorer Allah et ne lui associer aucune chose, s'en remettre à lui seul, n'espérer que lui seul, ne craindre que lui seul, et aimer totalement Allah, et n'aimer aucune créature comme Allah, mais au contraire, aimer pour Allah et détester pour Allah, s'unir pour Allah et se séparer pour Allah. Celui qui par orgueil n'adore pas Allah n'est pas un musulman. Et celui qui adore Allah et quelque chose d'autre, il n'est pas un musulman non plus. Et l'adoration d'Allah n'est autre qu'obéir à Allah. Et ceci s'accomplit en obéissant au messager qu'il envoie. Dès lors, celui qui obéit au messager a en fait obéi à Allah. En effet, tout messager fut envoyé avec une loi, s'y conformer lorsqu'elle est en vigueur. C'est ça l'islam. Par contre, ce qui a été modifié par les créatures, ceci n'est pas l'islam. Et lorsqu'Allah y abroge quelque chose, alors ce qui a été abrogé n'est plus de l'islam. Comme par exemple, lorsqu'il fallait se tourner vers Jérusalem lors des prières, au début de l'exil pendant une dizaine de mois. Puis il fut ordonné de se tourner vers la Kaaba. Et les deux directions étaient islam dans la période où chacune fut en vigueur. Mais une fois abrogé, se tourner vers Jérusalem n'était plus de l'islam. Seule la direction de la mosquée sacrée devait être prise par celui qui prie. Et à partir de là, quiconque veut prier dans une autre direction que celle-là, il n'est plus dans la religion de l'islam, car il veut adorer Allah d'une manière qu'Allah n'a pas commandée. Et c'est la même chose concernant toute invention religieuse s'opposant aux ordres du messager d'Allah, soit une modification apportée de toute pièce par une créature qu'Allah n'a jamais prescrite, soit une chose qu'Allah avait prescrite, puis qu'il a abrogé, comme par exemple le fait de prier vers Jérusalem. Et il dit, j'ai déjà mentionné dans les principes précités que l'islam, qui est la religion d'Allah pour laquelle il révéla les livres et envoya les messagers, consiste à ce que le serviteur se soumette à Allah, le Seigneur des mondes, qu'il se soumette intérieurement à Allah seul, sans associé, et qu'il l'adore et n'adore personne d'autre, comme l'expose la meilleure parole et la tête de l'islam, le témoignage qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah. Or ce témoignage a deux opposés, l'orgueil et l'idolâtrie. Celui qui par orgueil n'adore pas Allah n'est donc pas soumis à lui. Et celui qui l'adore avec quelque chose d'autre lui a alors donné un associé et ne lui est donc pas pur, mais il lui a donné un associé. Et il dit, l'islam englobe la soumission à Allah seul. Celui qui se soumet à Allah et à un autre est un idolâtre. Et celui qui ne se soumet pas du tout à Allah est un orgueilleux qui refuse de l'adorer. Or l'idolâtre, tout comme l'orgueilleux, sont mécréants. Se soumettre à Allah uniquement inclut de l'adorer seul et de lui obéir à lui seul. Et ceci est la religion d'Allah. Allah n'en accepte aucune autre. Et il dit, ceci car il est connu dans la religion, et c'est élémentaire, que les messagers considéraient que ce qu'adoraient les idolâtres n'est pas Allah, et qu'ils prenaient ceux qui adoraient ces choses pour des adorateurs d'un autre qu'Allah, pour des polythéistes qui donnent des associés à Allah et qui lui donnent des rivaux. Ils ont certes appelé les créatures à n'adorer qu'Allah seul sans associer. Et c'est ça la religion d'Allah pour laquelle il fit descendre les livres saints et pour laquelle il envoya les messagers. Et ceci est l'islam général de tous les prophètes, en dehors de laquelle aucune n'est acceptée par Allah, ni de la part des premiers, ni de la part des derniers. Mohammed ibn Abd al-Wahhab dit, et le mot islam inclut la soumission à Allah et la docilité. Et cela inclut aussi la consécration du culte à Allah. Ainsi, celui qui se soumet à Allah et à un autre, c'est un polythéiste. Et celui qui ne se soumet pas de tout à lui, c'est un orgueilleux. Et il dit, le deuxième principe, connaître l'islam sur base de preuves. Et se soumettre à Allah par le biais du monothéisme. Lui être docile avec obéissance et se séparer du shirk et de ceux qui le commettent. Et il dit, certes, le biais par lequel l'homme entre dans l'islam, c'est l'unicité d'Allah dans la divinité. Ce qui veut dire qu'il n'adore rien d'autre qu'Allah, ni un ange proche d'Allah, ni un prophète envoyé par lui. Ceci car le prophète, que le salut et la paix soient sur lui, fut envoyé aux païens qui adoraient des choses avec Allah. En effet, certains adoraient les idoles, d'autres invoquaient Issa, d'autres invoquaient les anges. Et il leur interdit cela et les informa qu'Allah l'a envoyé afin qu'ils soient adorés lui seul. Et que personne d'autre que lui ne soit invoqué, que cela soit les anges ou les prophètes. Et donc celui qui le suit et unifie à Allah, c'est celui qui atteste qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah. Et celui qui lui obéit et invoque Issa et les anges et leur implore l'aide et se réfugie vers eux, celui-là a rejeté qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah, malgré qu'il reconnaît que nul ne crée ni ne subvient en d'autre qu'Allah. Il dit aussi, le fondement de l'islam et son principe sont deux choses. Le premier, le commandement d'adorer Allah seul et sans associé, y inciter les gens, s'unir sur cela et bannir de l'islam celui qui le délaisse. Le deuxième, avertir contre le shirk dans l'adoration d'Allah, faire preuve de sévérité sur cela, se séparer pour cela et bannir de l'islam celui qui le commet. Celui qui ne remplit pas l'un de ces critères, il n'est pas musulman. Ibn al-Qayyim a dit, l'islam, c'est l'unicité d'Allah, et l'adorer seul et sans associé, et avoir foi en Allah et son messager, et le suivre dans ce qu'il a enseigné. Tant que le serviteur n'accomplit pas ceci, il n'est pas musulman. Les points notés dans ce chapitre. La définition de l'islam. Ne donner aucun associé à Allah tout en l'adorant seul sans associé, selon l'enseignement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de tout autre enseignement. Celui qui donne un associé à Allah n'est pas musulman. Celui qui n'adore qu'Allah uniquement, mais d'après un autre enseignement que celui de Mohammed, consciemment, il n'est pas musulman, comme pour les juifs par exemple. D'ailleurs, ces adorations reviennent à Satan et non à Allah. Celui qui adore Allah uniquement, mais d'après une innovation sans être conscient que Mohammed ne l'a pas enseigné, il est musulman mais innovateur, hérétique et égaré.